Mathilde, bonjour. Bonjour Véronique. Donc vous présidez la FRELOS, l'Association française de recherche sur les livres et les objets culturels de l'enfance. Et chaque mois, vous recevez un chercheur, un membre de l'association de la FRELOS, autour d'une problématique particulière. Et ce matin, ce sera la lecture. Oui, c'est ça, la lecture. Un petit peu l'histoire de ses apprentissages. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir ce matin Anne-Marie Chartier, qui est agrégée de philosophie, docteur en sciences de l'éducation. Donc, Anne-Marie Chartier, vous avez mené vos recherches comme maître de conférence à l'INRP, l'Institut national de la recherche pédagogique, plus précisément au service d'histoire de l'éducation. Et vos travaux donc sont notamment consacrés aux méthodes d'enseignement de la lecture en France et en Europe, et même peut-être au-delà aussi, vous allez peut-être nous en parler, et à l'histoire aussi de la formation des maîtres et des pratiques d'enseignement. Alors j'aurais pour commencer une question un petit peu générale que je pose parfois à mes invités, de savoir pourquoi avoir décidé de consacrer vos recherches à l'école primaire. Est-ce qu'il y a des rencontres, une vocation, ou pour le dire un petit peu abruptement, comment est-ce qu'on passe de l'agrégation de philosophie à l'école et à la lecture? Alors d'abord, mon objectif dans mon existence, après l'agrégation de philosophie qui s'est fait, je ne sais pas trop comment, par une série d'enchaînements qui était que j'aurais voulu être prof de lettres, mais j'étais trop mauvaise en latin et en grec, donc j'ai été vers une discipline beaucoup plus facile de ce point de vue-là, qui était la philo à mon époque. Et puis la fréquentation des philosophes m'a paru au-delà de mes forces probablement, et donc je suis revenue vers un territoire où je me sentais chez moi, qui était l'école primaire. Et pour ça j'ai demandé, c'est la seule chose que je dois avoir demandé dans ma vie, c'est un poste en école normale, et à l'époque c'était relativement peu demandé, et j'ai été nommée tout de suite en premier poste à l'école normale de Versailles. Et je n'avais pas du tout dans l'idée de faire de la recherche, j'avais dans l'idée d'être une bonne interface entre les résultats de la recherche et le public des instituteurs garçons à Versailles à l'époque seulement, ce n'était pas mixte, que j'avais à former. J'avais une illusion qui était que, au moins dans un lieu de formation professionnelle, j'aurais un retour sur l'efficacité de mon enseignement. Je pourrais voir, enfin, en tout cas, mes élèves pourraient me dire si ce que je leur avais enseigné leur servirait à quelque chose. Alors que je ne me voyais pas préparer. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus difficile pour un professeur de philosophie de terminale de savoir ce qu'il fait avec ses élèves, à part leur apprendre à faire des dissertations pour les préparer à avoir une pas trop mauvaise note au baccalauréat, ce qui est un objectif louable, mais on ne peut pas dire que c'est exaltant pour les siècles des siècles. Alors que là, j'avais le sentiment que j'aurais une contrainte plus forte. C'était l'époque aussi des réformes de l'enseignement. Mm-hmm. C'est vrai qu'on discutait beaucoup. C'était un enjeu. L'école primaire était un enjeu énorme à cette époque-là. Beaucoup moins, me semble-t-il, qu'aujourd'hui, où on a déporté le spot plutôt sur collège-lycée. Enfin bref, je me suis trouvée là et j'ai découvert que ce que je savais, que j'avais appris à l'université, les études de sociaux de l'éducation, de psycho, tout ce que j'avais fait servait strictement à rien. Ah bah. Que les élèves, mes normaliens n'en avaient absolument rien à faire. Tout simplement parce que les informations que j'apportais à l'époque étaient des informations qui étaient très désespérantes. Je veux dire que ce qu'on voyait, en gros, c'était le moment des premières enquêtes sur les échecs, les variables sociales ou psychologiques de l'échec scolaire, et qui était qu'en gros, tout ce qui se passe de grave dans l'école a sa source hors de l'école. Oui. Donc, je veux dire, si j'avais été moi-même une jeune normalienne primaire de cette époque-là, c'est vrai que j'aurais conclu que soit je démissionnais à l'éducation nationale parce que je ne voulais pas être la reproductrice du système à perpétuité, soit je faisais comme si ces statistiques n'existaient pas, puisque c'était la seule perche de salut. Donc ça explique bien peut-être pourquoi, après coup, mes objets de recherche, quand il y en a eu à titre propre, sont devenus beaucoup sur l'espace de travail des enseignants. Finalement, c'est ce qui m'a intéressé le plus, c'était si ce métier vaut la peine, ce que je pense, c'est qu'il a un espace de responsabilité propre. Et que, quelles que soient par ailleurs toutes les pesanteurs qui viennent de l'extérieur, tous les savoirs que peuvent nous donner les chercheurs sur les diverses sciences de l'apprentissage ou de la sociologie des familles ou de l'inconscient, de tout ce qu'on voudra, il n'empêche que dans la classe, j'ai mon espace à moi. Alors, le primaire de ce côté-là, et c'est vrai que c'est des îles fortunées par rapport au secondaire, parce qu'on a quand même sa classe, c'est la journée de classe. Ouais. Et quand j'ai, des années plus tard, travaillé avec des gens qui travaillaient en collège pour la formation de ce qu'on appelait à l'époque les PEGC, et puis après, un petit peu dans les MAFPEN avec des collègues qui travaillaient dans le secondaire, j'avoue que moi, j'ai toujours eu du mal de penser comment est-ce qu'on peut organiser son existence en 50 minutes, enfin, pour intervenir 50 minutes devant des élèves, alors que j'ai dans ma culture de formateur d'origine cet espace lent de la classe où la gestion du temps, la gestion des apprentissages se fait de manière... c'est vrai que j'aime plus l'école primaire que le reste du système scolaire. Je m'y sens chez moi alors que je me sens très étrangère dès que je franchis la porte d'un collège, d'un lycée. C'est un problème aussi pour... penser aujourd'hui des recherches sur l'enseignement obligatoire, puisque l'enseignement obligatoire, c'est aussi le collège. Voilà comment s'est fait un petit peu cette rentrée. Alors, l'autre chose qui était amusante rétrospectivement, c'est que moi, ma culture primaire est une culture de villageoise. Je n'ai eu comme modèle d'école qu'une école primaire à tous les cours. Et vous êtes arrivée à Versailles, alors évidemment, c'est sûr que là, pour moi, la région parisienne, ça a été de découvrir ces immenses écoles en briques rouges à 3 étages. À l'époque, je me souviens d'une visite à Sarcelles où j'avais été voir un normalien qui était en stage. Et le coup de sifflet du directeur qui me disait « Vous allez voir ce qui va se passer !» Coup de sifflet pendant la récréation et tous les élèves s'immobilisant. Deuxième coup de sifflet, tous les élèves allant en marchant, se mettre en rang. Moi, c'était comme si je voyais un film. J'avais pas d'idée de cette école-là. Et du coup, je pense que j'ai pu après voir dans les écoles, l'école urbaine, qui est notre école d'aujourd'hui, toute une série de phénomènes parce qu'ils étaient totalement étrangers à ma culture. Et du coup, ils me sautaient à la figure, comme quand on est en ethnologie ou dans un pays étranger, parce que ils faisaient pas partie de mes habitudes scolaires propres et sur lesquelles je m'interrogeais beaucoup. Je pense que ça m'a aidée. Probablement. D'avoir une distance, finalement, aussi. Oui. Finalement, mon inconscient, ou comment dire, mes racines scolaires, c'est les instructions officielles de 1923, qui ont duré jusqu'en 72, quand même. Hein, donc, et un modèle d'école qui est un modèle beaucoup plus proche du 19e siècle que du 21e. Et c'est pour ça, je pense, que quand je suis allée à l'étranger, quand je suis allée en Amérique latine, quand je suis allée dans des pays où le mode de fonctionnement de l'école est encore très rural, par exemple, même s'il y a des très grandes villes, je me suis tout de suite sentie chez moi, beaucoup plus en voyant des ressemblances plutôt que des différences. Alors, c'est intéressant, donc... Vous parlez de vos observations, vos voyages en Amérique latine. Donc, vous avez eu l'occasion d'aller dans des écoles primaires à l'étranger. Et finalement, il y a plus de ressemblances entre l'école rurale de mon enfance, de votre enfance et qu'avec les écoles, comme vous dites, les écoles urbaines. Les grandes écoles urbaines de périphérie. Ouais. Comment dire, on peut toujours, quand on va dans une école, chercher ce qui est pareil ou chercher ce qui est différent. Oui, bien sûr. Et en gros, ce qui nous apparaît plus fort, c'est ce à quoi on ne s'attend pas. Plus on s'attend à voir des différences, plus on est étonné de voir que finalement les différences ne sont pas si grandes que ça. Plus on s'attend à chercher une école comme la nôtre, et plus on verra que non, ça ne fonctionne pas. Bon, il s'est trouvé que j'ai été invitée au Brésil, en Argentine, en Colombie pour travailler en gros avec des universitaires la plupart du temps. Mais dans le champ, souvent, de la formation des maîtres. Et en gros, j'ai toujours dit, étant donné mon intérêt pour l'espace de travail des maîtres, que j'acceptais de venir à condition que je puisse aller dans des écoles. Ah, c'est votre condition. Donc, c'est ma condition. Si on veut inviter Anne-Marie Chartier, il faut pouvoir... Dire, oui, ou proposer de visiter. Absolument. Là, je vais aller au Chili. Je ne suis jamais allée. Je suis très contente. Mais l'accueil se passe facilement? On ouvre facilement les portes des salles de classe et des écoles, non? Oh, il n'y a qu'en France que c'est si difficile. Ah, c'est intéressant. C'est vrai. Hein, aux États-Unis, la première fois que je suis aux États-Unis, j'ai suivi des enfants dans la rue le matin. Et puis, j'ai été me présenter à la porte de l'école où ils m'ont emmené. Et puis, j'ai expliqué dans mon anglais balbutiant que j'étais... je travaillais à la formation des... Non, pas du tout. Ah non, je ne dis jamais que je suis chercheur. Ah bon. Non, je dis toujours que je suis soit maîtresse, ce qui a été vrai, puisque j'ai quand même pris une classe, soit formateur d'enseignants. Et que je voudrais voir comment ça marche, les écoles... Non, je pense que dire qu'on est chercheur, ça fait peur aux... Puis je suis chercheur en histoire, donc c'est pas une carte de visite qui ouvre des portes d'écoles contemporaines. Alors, aux États-Unis, c'est très simple, on m'a dit, mais bien sûr, vous pouvez venir. Alors, j'ai dit, quand est-ce que je peux prendre un rendez-vous pour que ça vous dérange pas? Ah ben, tout de suite, si vous voulez. J'étais émerveillée. Ouais. J'ai passé 3 jours dans cette école... Et on rencontre des collègues, la conseillère pédagogique avec qui j'ai discuté. J'avais le sentiment qu'elle ressemblait à mon amie Jeanne Bia, qui est dans les Yvelines. Comment dire, il y a un profil du maître du primaire qui, derrière toutes les différences superficielles du monde, fait que dès qu'on parle du travail, je trouve qu'il y a quand même des fondamentaux qui est imaginer un espace clos. Même si il n'y a pas de vitre aux fenêtres, mais quand même, c'est un espace. Et il y a 25, 30, 60 enfants, et on a un temps déterminé qui est une plage assez longue, de demi-journée ou de journée, et puis une année scolaire, et puis il faut que les enfants sachent lire à la fin de l'année, à peu près, et qu'il faut les faire tenir ensemble. Les marges d'improvisation sont limitées, hein. On a beau, alors après, il y a les différences qui tiennent au matériel, tiennent au fait qu'il y a l'électricité et pas l'électricité, qui tiennent à ce qu'on a surabondance de crayons et de papier, ou au contraire, très peu. Bon, toutes ces différences-là, on les gère. Du fait de ce que je disais sur mon origine rurale, moi, je sais travailler avec la rareté. Ça ne me pose pas de problème. Je sais travailler avec la représentation d'une école où les enfants ne peuvent pas faire leurs devoirs à la maison parce qu'ils ont beaucoup d'autres choses à faire. Bon, il y a trop de tâches dans la vie rurale pour que les enfants puissent être surveillés à la maison. Donc, il faut que tout le travail se fasse en classe. Et puis, je sais aussi ce que c'est que la vie d'un instituteur, ou plutôt d'une institutrice, puisque maintenant, c'est quand même des femmes qui tiennent le monde du primaire dans le monde entier. Et qui ne peut pas travailler non plus à la maison à faire des préparations, parce que la vie familiale et extérieure coûte trop d'énergie. Donc, elle aussi, elle doit faire pratiquement tout sur place. Donc, une fois qu'on sait ça, on peut aller partout dans le monde et trouver des pistes de travail commun. Et on voit qu'il y a partout un espace de liberté, et qu'un maître ne fait pas la même chose que son voisin, et qu'il y a des bons maîtres et des mauvais maîtres, des maîtres heureux et des maîtres malheureux, des maîtres qui font notre fierté, puis des maîtres dont on a un peu honte, et puis des enfants qui aiment aller à l'école, et puis d'autres pas. Et que ça fait partie, j'allais dire, des invariants de la planète, presque, et que c'est formidable de voir les petites différences après. Justement, les petites différences... Outre le fait que donc les écoles françaises sont peut-être un petit peu plus fermées, est-ce que dans le fait d'avoir voyagé, observé beaucoup d'écoles primaires, de maîtres au travail, est-ce que vous en dégagez une spécificité pour la France, une différence, ou est-ce qu'on est vraiment dans ces invariants aussi, ou est-ce qu'il y a une spécificité? Non, il y a une spécificité des pays développés. Je dirais plutôt des pays développés. Alors, il y a des configurations, politiques ou idéologiques. La laïcité à la française, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de pays du monde. Par exemple, je viens du Bangladesh. J'étais au Bangladesh au mois de janvier. Alors, c'est un pays musulman à 95%. Mais il y a des minorités culturelles. Et puis, le Bangladesh s'est constitué, non pas sur l'unité religieuse, comme... du temps où il faisait partie du Pakistan, qui lui s'est constitué sur une unité religieuse, mais sur la langue. Et donc, c'est un pays qui est laïque. Enfin, je veux dire, l'école est laïque, puisqu'elle doit intégrer des spécificités. Donc, je me suis trouvée finalement, là, mon éducation française m'a donné des points d'appui pour comprendre comment les choses fonctionnaient en classe. On chante l'hymne national tous les matins, ça c'est sûr. C'est un poème de Tagore, il est merveilleux. Il n'est pas du tout nationaliste, il est sur la beauté du Bengale. Et après, les contenus scolaires sont des contenus qui ressemblent énormément aux contenus, je dirais, de l'école de Jules Ferry. Alors, le mode d'apprentissage est un mode d'apprentissage qu'on pourrait dire très près. On peut dire coranique, par exemple, au sens où il serait sur la répétition, l'apprentissage des lectures, la récitation. Mais moi, je ne dis pas qu'il est coranique, je dis qu'il ressemble, qu'il est Jules Ferriste, puisque c'est comme ça que faisaient les maîtres au moment des années 1880, où le mode de fonctionnement ordinaire, c'était toutes les lectures sont des leçons, on en apprend, on lit, on relit, et puis demain, le maître pose des questions pour savoir si on a bien retenu, mémorisé, et on doit répondre littéralement. Donc, c'est là où la dimension historique m'aide énormément à ne pas disqualifier des modes de fonctionnement qui peuvent paraître archaïques aux gens qui viennent de la Banque mondiale ou de l'UNESCO et qui disent qu'il faut changer tout ça. Et je dis non, il ne faut pas changer tout ça. Il faut essayer de comprendre quelle peut être l'efficacité de ce mode de fonctionnement, les marges d'inefficacité, parce que là-bas aussi, il y a des enfants qui n'apprennent pas à lire et les maîtres le savent bien. Mais si on commence à dire à des enseignants qu'il faut jeter leur manière de travailler à la poubelle et qu'il faut faire tout autre chose, et qu'on ne peut pas. On peut pas. On a toujours une minorité marchante qui pense qu'elle ne fait que du nouveau. Mais même quand on va dès qu'on va dans les classes, voilà, c'est pour ça qu'il faut aller dans les classes. Dès qu'on va dans les classes, on voit que les maîtres les plus avant-gardistes sont remplis de traditions. Que dans la classe, il y a plein de choses qui fonctionnent comme d'habitude. Ouais. Sinon, on ne pourrait pas. Et c'est cette pensée de... Ce qui m'a le plus touchée dans les études historiques que j'ai pu faire, c'était ça. C'était de tenir le travail du maître dans sa complexité, dans l'ancien et le nouveau. Alors que dans les discours idéologiques, on est très manichéen. Soit on voit ce qui est... l'horreur conservatrice de ce système où les enseignants ne veulent pas bouger, il n'y a pas moyen de leur faire comprendre que l'école ancienne est finie, qu'il faut passer à autre chose à cause de la technologie, etc. Ou au contraire, on a les discours avant-gardistes qui sont ceux qui ont été ceux des années 70, de la rénovation de l'enseignement du français, de la massification, de l'école longue, de la nécessité de... Et on néglige qu'est-ce que c'est qui fait l'ordinaire de la classe et qu'est-ce qui fait la marge de jeu spécifique, la marque des enseignants. Si on pense que la formation des maîtres peut exister, ce que je crois, que c'est un vrai métier qui s'apprend, c'est sûr, lentement, et pas simplement en formation initiale, alors il faut penser cette marge de jeu dans la classe. Alors Anne-Marie Chartier, vous avez dit que vous étiez... chercheur, chercheuse, jamais très bien, c'est féminin, surtout en histoire, en histoire notamment des apprentissages de la lecture, de l'écriture. Et vous avez évoqué tout à l'heure l'école de Jules Ferry, comme un modèle qu'on a tous un petit peu en tête, je pense. Alors, est-ce que dans les apprentissages, notamment de la lecture et de l'écriture, c'est une vraie révolution, cette école de Jules Ferry? C'est-à-dire, est-ce que tout change? Est-ce que c'est la... Tout change à partir des années 1880-82 et la Troisième République ou pas? Alors, quand je suis arrivée à l'école normale, c'est ce que je croyais, enfin, comme tout le monde à l'époque. Puis, juste au moment où j'ai eu mon premier poste à l'école normale, donc en 1970, et puisque ça a été mon seul lieu d'enseignement, finalement, jusqu'à ce que je sois chercheur à plein temps, mais en gardant un service à l'IUFM à l'époque de Versailles, il y a eu le livre qui a un peu bouleversé les représentations sur l'histoire de l'alphabétisation des Français, qui est le livre de Furet et Ozouf, Lire et écrire, l'alphabétisation des Français de Calvin Jules Ferry. Alors, j'avais pu participer au séminaire, à suivre le séminaire à l'école des hautes études, parce que j'avais des amis qui travaillaient. Et j'avais donc eu accès aux résultats du livre avant la parution du livre qui est sorti en 77. Et alors j'avais été extraordinairement impressionnée, parce qu'en gros, il bouleversait complètement la représentation qui était en gros que ce qui est fondateur de l'école en France, le lire, écrire, compter, c'est l'école obligatoire, laïque et gratuite, bien sûr. C'est l'image qu'on a encore. Oui, c'est bien l'image qu'on a encore. Oui, bien sûr. Ouais. Mais à l'époque, c'était normal qu'on ait cette image, il n'y avait pas eu de travaux dessus. Mais maintenant, c'est incroyable qu'on ait encore cette image parce qu'elle est fausse. Puisque, en gros, ce qu'ils ont trouvé, c'est que ce qui fait le démarrage de la scolarisation de masse pour toute l'Europe, pas seulement pour la France, c'est la réforme, c'est le XVIe siècle, c'est les guerres de religion. Puisque ce n'est pas du tout pour des raisons politiques, pour former des citoyens, qu'on décide d'implanter des petites écoles partout, mais c'est pour faire des bons chrétiens qui puissent lire le texte à la lettre dans un livre. Ah oui. Et pour qu'ils puissent ne pas se tromper dogmatiquement de savoir s'ils appartiennent à des communautés protestantes ou des communautés catholiques. Et que d'une certaine manière, alors ça monte très lentement, c'est vrai que c'est lié aussi à d'autres considérations sociales, c'est vrai que c'est plus important pour les garçons que pour les filles, c'est plus important pour les villes que pour les campagnes, pour, bon, etc. Mais la motivation d'alphabétisation est religieuse. Et du coup, ça va induire un certain type d'apprentissage de la lecture, dont je dirais on voit encore les traces aujourd'hui, curieusement. C'est-à-dire que la considération du texte comme étant un texte sacré, je pense que quelqu'un qui a été formé à l'école des belles-lettres comme vous doit savoir ce que c'est. Oui. Eh bien, il faut savoir d'où ça vient. Ça ne vient pas du tout de la littérature. Ça vient de la suite des guerres de religion, de la lecture des textes religieux. De la lecture des textes religieux. Enfin, lecture qui, des textes qui est au religieux. Principe de, de l'alphabétisation. Et donc au principe aussi du respect de la lecture littérale. Alors, ça, c'est un deuxième point qui me met très en porte-à-faux et mal à l'aise par rapport au débat sur la lecture ou les méthodes de lecture aujourd'hui. C'est que je ne crois pas que l'apprentissage de la lecture relève seulement d'un problème technique. Je crois que dans un apprentissage de la lecture, il y a des enjeux culturels qui nous aveuglent parce qu'ils sont partagés et on ne voit pas à quel point ils sont présents. Aujourd'hui, les modalités d'apprentissage de la lecture ne reposent pas sur les mêmes valeurs qu'au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Je dirais que ce qui est intéressant dans la révolution de Jules Ferry, c'est que d'une certaine manière, la laïcisation de l'école va déporter sur les grands textes sacrés de notre patrimoine national un mode de lecture qui est hérité du mode de lecture religieux. Ah oui, qui a une translation finalement du rapport au texte. Lançon le dit, il dit qu'il faut lire les textes littéraires comme on fait de l'exégèse sur des textes sacrés. C'est étonnant. Alors, tout le monde a lu ça, je pense, parmi les critiques littéraires, mais relier ça à un mode d'apprentissage de la lecture des enfants. Et puis, il faut penser que l'apprentissage de la lecture se fait à l'époque donc sur les prières, prioritairement. On invente au XVIe, XVIIe siècle une lecture populaire, mais qui reprend tous les principes de la lecture des clercs. Pendant très longtemps, on a cru que l'apprentissage par cœur du Paternoster, qui était au fondement, pour toute l'Europe, en terre protestante aussi, c'est pas une chose catholique, sauf qu'on le dit dans la langue vernaculaire, en Angleterre et en Allemagne et dans les pays du Nord. Mais c'est toujours l'apprentissage par cœur qui fonctionne. On a pensé que c'était pour les pauvres, c'était un pauvre apprentissage pour des enfants de milieu populaire. Mais en fait, c'est exactement le mode d'apprentissage qui était celui pour les clercs, simplement pour les petits moines qui entraient en religion, on leur demandait d'apprendre par cœur les 150 psaumes à partir du Beatus Vir. Alors, on n'a pas le temps d'apprendre 150 psaumes à des enfants. Donc, on va apprendre les 12 prières qui sont nécessaires pour la vie ordinaire des cultes et parmi lesquels les 7 psaumes qui sont ceux qu'on chante aux enterrements. Voilà. Et du coup, il y a une représentation de ce que c'est que savoir lire qui est très, très différente. Lire, c'est savoir relire. En gros, la lecture, la compétence en lecture, c'est la compétence à lire un corpus clos. En gros, c'est un petit peu comme quelqu'un qui sait une méthode de piano et qui sait jouer tant de partitions. Voilà. Et c'est pouvoir jouer ces partitions-là. Mais ça ne lui donne pas la possibilité de déchiffrer n'importe quelle partition. Mais on n'a pas besoin de déchiffrer n'importe quelle partition. Qu'est-ce que c'est cette idée absurde? Alors, à partir de quel moment on va se dire qu'on pourrait déchiffrer toutes les partitions? Toutes les partitions. Et voilà. Alors, et tous les textes. C'est le 18e. XVIIIe siècle. Ouais, 18e siècle où quand les études commençaient à se faire sur les pratiques sociales de lecture, pas scolaires, mais sociales, il ressort qu'au XVIIIe siècle, il y a, dans les villes, l'idée qu'il y a une révolution de la lecture. Et c'est très drôle parce que les textes, c'est terrible. Aujourd'hui, les gens lisent n'importe quoi. Même les chambrières lisent ce que lisent leurs maîtresses. Et apparaît aussi, c'est la lecture du roman. Une catastrophe sociale, les gens disent n'importe quoi, c'est une lecture de divertissement. La lecture qui est liée au salut, qui est liée aux études savantes, aux études académiques, se déporte pour devenir une lecture pour faire passer le temps. Et en plus, dans ces fictions épouvantables, les Bovary du moment trouvent des clés bien meilleures que la religion pour penser leur existence. C'est affreux. Donc, la lecture de romans est condamnée par toutes les autorités, et pas seulement ecclésiastiques. Mais on voit bien que l'arrivée du roman à grand tirage, et puis d'un autre côté, l'arrivée des nouvelles, l'arrivée du journal, l'arrivée des gazettes, alors avec... post-révolution française, l'arrivée des imprimantes, enfin de la presse à grand tirage, et puis après des gazettes à deux sous. On voit bien comment on change. Je dirais que la révolution de ces années-là, elle ressemble beaucoup à la révolution d'Internet, si vous voulez, ou à la révolution de télévision, radio, cinéma des années 60. Et les années Ferry, il n'y a pas du tout de cette révolution-là. Il n'y a aucune révolution, j'allais dire, ni technologique, ni culturelle dans les années Ferry. Les années Ferry, au contraire, elles engrangent les inventions qui ont été faites pour répondre à une révolution des mœurs, des techniques, de la relation à l'imprimé qui a eu lieu avant. Il n'y a pas de révolution pédagogique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une apparition de nouvelles formes d'enseignement sur les apprentissages de la lecture ou de l'écriture pour les enfants ? Il y a une mise en conformité du curriculum avec les nouveaux apprentissages. Pour moi, la révolution, c'est ça que j'ai découvert, le petit peu que j'ai découvert, c'est la révolution des apprentissages de la lecture. Elle a lieu sous le Second Empire. Et sous le Second Empire, ça n'a rien à voir avec Napoléon III, puisque c'est au même moment qu'elle a lieu aussi dans les autres pays en Europe. Et la révolution, elle est technologique, elle est qu'à cette époque-là, il devient possible d'apprendre à lire et à écrire en même temps aux enfants, collectivement, dans des classes, alors que jusque-là, c'était presque impossible à cause de la difficulté des maniements des instruments de l'écriture qui sont plume-doigt, à une époque où le papier est très cher. Ah oui, oui. Ouais. Donc les enfants, avant... Avant 1850. Avant 1850. Apprennent à lire d'abord. Apprennent à lire d'abord. Puis quand ils savent lire... Parce qu'il n'y a pas les instruments, finalement. Il n'y a pas le, eh ben, disons, le crayon, pas, le crayon à papier, le stylo bic qu'on va trouver dans papier, toutes les trousses. C'est des mines de plomb. Vous voyez, c'est des enfants suces de la mine de plomb, ce qui risque de leur arriver. Donc, c'est réservé aux artistes dans les ateliers des beaux-arts. Avant Carandache, la mine graphite, on n'a pas ça. Alors, on a les ardoises et les craies. Ouais. Et, en Allemagne, elles se répandent plus tôt qu'en France. Mais en France, il y a une grande réticence parce que quand vous apprenez un enfant à écrire sur une ardoise avec une craie, vous l'apprenez à appuyer très fort. Et donc, après, quand il passe à l'écriture en plume-doigt, il faut qu'il apprenne au contraire à appuyer très peu. Et donc, tous les gestes que vous êtes en train de monter pour lui apprendre à écrire sur l'ardoise, il doit les défaire pour passer à la plume doigt. Et puis la tenue de l'instrument d'écriture n'est pas la même, j'imagine. C'est très difficile, la plume doigt. Si vous voulez, aujourd'hui, les ateliers de calligraphie qui sont tellement répandus, qui nous font faire des écritures chinoises et qu'on adore, nous donnent un petit peu une idée de la compétence qu'on réclame d'un enfant. Bon, vous avez dû voir ça dans les dessins, les représentations d'enfants en lecture. On apprend à lire aux enfants très tôt. Oui, très tôt. En milieu privilégié, 4-5 ans. Oui, c'est ça. Oui. Mais pas à écrire avant 7-8 ans. Oui, c'est juste. Oui. Et donc, du coup, les modalités d'apprentissage de la lecture ne peuvent pas être les mêmes. Puisque, vous voyez, la révolution technologique, ce qu'elle va permettre, c'est que les enfants vont se faire mettre à faire des lignes d'écriture. Mm-hmm. Des lignes de A, des lignes de B, des lignes de bas, des lignes de K. Des lignes de ce, c'est eux. Et puis, ils vont dire, quand ils écrivent, que aka, puisqu'ils écrivent les lettres toujours les unes après les autres. Il n'y a pas d'écriture globale. Oui. Hein? Il n'y a que de l'écriture, lettre après lettre. Mmh. Et le geste de l'écriture est lent, et donc on a le temps de fixer ça en mémoire. Et donc, du coup, tout ce qui se faisait en apprentissage oral avant dans la méthode épellative, puisqu'avant ce qu'on faisait pour aider les enfants à apprendre à lire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on leur faisait dire à voix haute comment était composé un mot. C'est-à-dire qu'en gros, on apprenait Paternoster, Quies Incelis, ou Notre Père qui es aux cieux, mettons, ou un texte profane. Ouais. Et puis après, on apprenait aux enfants à décomposer ce texte qu'ils savaient par cœur, qu'ils lisaient globalement, pour pouvoir en connaître les constituants et savoir comment s'encodait par écrit le texte. Donc, N-O, no, T-R, tre, P-E, P-R-E, re, notre, P-R-E, etc. On continue. Donc, la méthode épellative est une méthode non pas synthétique comme on a cru, mais une méthode de décomposition d'un texte déjà connu. Mmh. Et donc, les enfants peuvent s'exercer tout seuls. À partir du moment où on veut faire lire aux enfants tous les textes, les précepteurs, vont, pour qu'ils puissent lire les gazettes, lire les Pamela, lire les Mille, lire tout ce qui est les nouveautés inconnues, et non pas le petit corpus clos des textes que tout le monde a déjà lus, ils vont imaginer de faire apprendre aux enfants par cœur la totalité du système syllabique. Alors en français, il y a des centaines de syllabes. Et c'est là que commence le premier échec global, le premier échec scolaire. De Rousseau est terrible. Je ne comprenais pas, j'avais bien lu dans toutes les anthologies de pédagogie, on donne bien ce texte de Rousseau sur la lecture. Oui. C'est le, je ne me rappelle plus du texte qui est terrible sur la dureté de la lecture pour les enfants. Et Émile ne lira pas avant 16 ans, ne lira pas avant 12 ans parce qu'il m'est égal qu'il ne lise pas avant 15 ans. L'important, ce n'est pas ça. Donnez-lui le goût de lire. N'importe quelle méthode sera bonne. Que m'importerait qu'il sache lire si on l'avait dégoûté à force de contraintes de ce qui fait l'utilité de la lecture et qui est le désir de lire. Bon, et pourquoi ça? Et en fait, c'est au XVIIIe siècle, au moment où s'invente, alors pour le coup, une méthode syllabique sans référence à un texte, que l'échec scolaire apparaît. Et c'est les gens du XIXe, sous Napoléon III, qui vont régler ça. Sans les instituteurs qui vont l'inventer au moment où ils peuvent apprendre à écrire aux enfants en même temps qu'ils leur apprennent à lire. Et donc du coup, on accélère. Alors l'école républicaine Jules Ferry va croire, enfin les gens du temps de Jules Ferry vont dire que c'est grâce à Jules Ferry ou grâce à la République qu'on apprend à lire aux enfants en 3 mois et non plus en 3 ans. Ouais. Mais c'est pas vrai. C'est parce qu'on engrange les bénéfices et donc du coup, là il y a une révolution chez Jules Ferry, c'est la mise en place d'un cursus avec un cours préparatoire qui va être attaché à la grande école grâce à Pauline Kergomar. Mm. C'est-à-dire qu'il dit qu'on peut commencer l'apprentissage de la lecture pour les petits à 6 ans et non pas à 7 ans, comme c'était jusque-là. Et on a 3 ans pour apprendre à lire, 1 an pour travailler sur le code, en liant bien les méthodes, ça s'appelle méthode de lecture-écriture. Mm. Et ça, c'est ça la grande nouveauté. Puis après, on oublie, comme tout le monde les pratique, il n'y a plus besoin de les appeler comme ça. Donc, on les appelle méthodes syllabiques. Et ça, c'est drôle parce que c'est des méthodes qui font qu'on prononce les syllabes directement. C'est-à-dire qu'on ne dit plus B-A-B-A, on lit directement B-A. Oui. Alors qu'aujourd'hui, quand vous demandez aux journalistes ou aux instituteurs qu'est-ce que c'est la méthode syllabique, ils vous disent c'est la méthode du B-A-B-A. Je veux dire que les instituteurs de Jules Ferry auraient été fous parce que la méthode syllabique, c'est celle qui abolit le B-A-B-A. Oui. C'est celle qui fait le B-A-B-A dans l'écriture, pas dans la lecture. Donc on passe très vite à la lecture de petits textes. Et voilà, et on met en place... la méthode par laquelle j'ai dû apprendre à lire moi et qui a duré jusqu'à ce que la nécessité de scolariser tout le monde fasse passer à une autre forme d'exigence. Oui. Donc les crises réapparaîtront. Anne-Marie Chartier, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Malheureusement, le temps est achevé. Le temps nous est compté. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir parlé. Merci à vous. Donc je renvoie à vos travaux et puis je pense que il faudrait qu'on aille lire ou relire. Hein. On dit toujours relire parce que lire et écrire de Furet et aux autres aussi. Oui, celui-là, le voilà. Livre important. Livre important. Je veux bien qu'on cite quelques travaux d'Anne-Marie Chartier. Alors, le livre où j'ai un peu essayé de synthétiser tout ça, c'est L'école et la lecture obligatoire, qui est paru chez Retz en 2007, qui est un petit peu... sur les pratiques scolaires et qui est un petit peu le complément du livre du gros livre qu'on avait fait avec Jean Hébrard et d'autres collaborateurs, qui était Discours sur la lecture 1880-2000, qui est paru, qui a été une réédition chez Fayard, et qui lui était sur les discours, alors que le livre de 2007 essaye d'être sur les pratiques, voilà, et sur le champ de la classe, de voir les choses au ras des pâquerettes, pour ainsi dire. Voilà. Le cœur sotto-voce sur Allegre FM, à cœur d'enfant. Mathilde, quelques informations dans le monde de la recherche autour des objets culturels de l'enfance ? Oui, alors en commençant par un colloque international consacré à la mythologie, la pédagogie et la littérature de l'Antiquité à nos jours. Donc sur l'enfance et la littérature, mais aussi en partie les textes destinés aux enfants dans des cadres pédagogiques ou des textes de fiction. Un colloque qui aura lieu à la très sérieuse Sorbonne, à l'université Paris 4, qui s'intéresse de plus en plus à l'enfance et on s'en réjouit, les 31 mars, 1er et 2 avril prochains, à la Maison de la Recherche, 28 rue Serpente, dans le 6e arrondissement. Voilà, un colloque organisé par Véronique Gély, qui est professeure de littérature comparée à l'Université Paris 4 Sorbonne. Et donc, un programme, des interventions, un vaste programme sur ces 3 jours. Des interventions aussi bien sur Platon, Plutarque, Érasme, que sur les fictions en images japonaises, les fables, la mythologie hindoue, ou encore Tolkien, Lewis ou la fantasy pour la jeunesse. Donc vraiment, voilà. Donc on retrouve tout ce programme sur le site de Paris-Sorbonne et puis sur le site de la Frelos. Un colloque également cette fois-ci à Arras, une ville et une université très dynamique concernant la littérature et la culture d'enfance et de jeunesse. Donc cette fois-ci autour de la représentation du jeu dans les écritures jeunes publics. Alors c'est un colloque qui aura lieu les mercredis 6 et jeudi 7 avril, alors à la fois au Théâtre d'Arras pour le mercredi 6 et à l'Université d'Arras le jeudi 7 avril, où on parlera du jeu dans la littérature pour la jeunesse et en particulier, ça peut vous intéresser Véronique, sur le théâtre jeune public. Donc on parle bien du jeu J-E-U. J-E-U, voilà, le jeu au monde. Les interventions des chercheurs, des universitaires seront complétées par des rencontres avec des auteurs et puis par la présentation d'une installation qui s'appelle « Nous lisons, vous valisez », réalisée par Hugues Delaby et des étudiants de deuxième année de licence art du spectacle de l'Université d'Artois. Elle sera présentée à l'espace culturel de l'IUFM, donc une rencontre entre le théâtre, l'université et des auteurs, des artistes. Donc vraiment, je pense des rencontres qui promettent d'être intéressantes à Arras le 6 et 7 avril prochain. Encore 2 petites informations. Tout d'abord, l'apparition au début du mois de mars du numéro 137 de la revue Lecture Jeune. Un numéro qui est consacré à la littérature destinée aux jeunes adultes et au rapport des jeunes adultes à la littérature. Ce qu'on appelle, alors pour faire bien en anglais, les young adults, c'est la même chose. Un public qui émerge depuis quelques années comme un public spécifique, vraiment, et qui commence à intéresser. Paraît-il, ça intéresse beaucoup les éditeurs, cas. Oui, en tout cas, ça intéresse les éditeurs, mais aussi les chercheurs. Et ce numéro s'interroge justement sur ces romans, cette littérature, en se demandant si ce ne serait pas la littérature populaire du 21e siècle, cette locomotive éditoriale, pour reprendre l'expression d'Anne Besson. Alors, des chercheurs, des universitaires, des médiateurs de la littérature et de la culture de jeunesse s'interrogent dans ce numéro sur ce domaine littéraire et sur ce phénomène de lecture. Alors, à travers des articles aussi bien de spécialistes de la littérature comme Daniel Delbracine, de spécialistes de l'édition, mais aussi des sociologues comme Olivier Galland, donc spécialiste de la sociologie de la jeunesse. Donc c'est, je rappelle, hein, le numéro 137 de la revue Lecture Jeune. Alors, ils ont un site, lecturejeunesse.com, un blog, et ce numéro est en vente au prix de 14 euros. Une dernière petite information, alors je termine en signalant la création d'un nouveau site consacré à la littérature pour la jeunesse dans les pays arabes, un site qui s'appelle Lire le Livre, tout nouveau, créé par Mathilde Chèvre, qui est éditrice, qui est directrice éditoriale du secteur jeunesse, c'est une petite maison d'édition, Le Port à Joigny à Marseille, et qui est chercheuse à l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient, qui commence une thèse consacrée à la littérature pour la jeunesse dans les pays arabes et en particulier en Palestine. Et donc elle vient de créer ce site tout à fait intéressant sur la littérature pour la jeunesse dans les pays arabes, dans les relations avec la littérature, la société, la politique. Donc en français et en arabe ? C'est en français et en arabe, exactement. Et l'adresse est http://lire-le-livre-tout-attaché.hypothèse. Avec un S.org. Alors, toutes ces informations, vous les retrouverez bien sûr sur le site de la Frelos. Je rappelle l'adresse aussi. Donc, c'est magasindesenfants.hypothèse, toujours avec un S.org. Mathilde, on vous retrouve donc le mois prochain avec un autre chercheur, une autre thématique, un autre sujet de recherche. Oui, donc à la fin du mois d'avril, dans un mois à peu près, je recevrai Mathieu Letourneux, collègue de l'Université Paris-Ouest Nanterre. Spécialiste de littérature populaire, de littérature sérielle. Donc, au mois prochain. Merci Mathilde. À dans un mois.